As-tu été baptisé dans le corps, baptisé du Saint-Esprit? Il n'y a qu'un seul moyen pour y entrer, comme il est fait à la Pentecôte, étudiant l'Église et enfant, et dans le poste des sauveurs. Oh, bien c'est toi, baptisé dans le corps, et demeure là pour toujours, étudiant l'Église et enfant, et dans le poste des sauveurs. Oh, bien fais-toi, baptisé dans le corps, et demeure là pour toujours. Il n'y a qu'il est Christ les pose sur les corps, en elle nous sommes baptisés par le Saint et vrai Saint-Esprit promis. Quoique le monde nous méprise tous, es-tu dans l'Église et enfant, et dans le poste des sauveurs? Oh, bien es-toi baptisé dans le corps, et demeure là pour toujours. Sacré d'auprès, tant d'être les corps, le fil d'argent déclare fort. Et il fait car Dieu tient à manifester l'authentique épouse du Fils. Et tu donc l'Église et enfant, et dans les postes des sauveurs. Ou bien c'est toi baptisé dans le corps, et demeure là pour toujours. Et tu donc l'Église et enfant, et dans les postes des sauveurs. Ou bien c'est toi baptisé dans le corps, et demeure là pour toujours. Plusieurs pensées qu'ils étaient dans le corps, jusqu'à qu'enfin l'Esprit Saint, quand la parole de Dieu leur fut ouverte, ils en perdent encore des côtes. Et tu donc, épuisé enfant, et dans les fossés sauveurs. Ou bien c'est toi baptisé dans le corps, et demeure là pour toujours. Es-tu donc l'Église triomphante, et dans les fossés sauveurs. viens, c'est toi, baptisé dans le corps, et demeure là pour toujours. Ceux qui sont morts avant que l'Esprit Saint et dans son temps où sur nous n'est pas la foi avec les saints d'antan d'élever pour les voix au ciel et tu dans l'église et enfant et dans les postes des sauveurs ou bien les soins baptisés dans le corps et demeure là pour toujours et tu dans l'église triomphant et dans les postes des sauveurs ou bien c'est toi baptisé dans le corps et demeure là pour toujours lorsque l'époux viendra sera tu prêt ta lampe remplie allumée en main tu seras compté parmi les vieilles folles si tu ne marches pas dans la lumière tu dis donc rayonne de joie. Nous tournons vers le véritable. Et la vie éternelle. Qui donne des choses véritables. Et de bénédictions durables. La sécurité éternelle. Et le bonheur éternel. Honneur et louange à toi, Seigneur. Le souverain est très haut. Le tout-puissant, incomparable. Le immuable et agissant. Ta main n'est pas stérile. La parole n'est pas stérile. Elle ne sera jamais sans affaire. Mais elle est toujours pourvue d'affaires. Et nous croyons prions que ce soir, elle sera décernée dans nos cœurs. Nos cœurs s'élèvent. Nos cœurs s'élèvent. Nos cœurs s'élèvent au roi éternel. Rappelons-nous au milieu du peuple. Repoussons l'émission du Seigneur. Roi qui règne dans la colonne de Dieu. La nuée de gloire apparaît au temps de la fin. C'est ton peuple dans sa gloire. Oh, délivre-nous des iniquités. Repoussons la force du mal. Rétablis dans la foi. Rétablis dans nos droits divins. Rétablis dans la parole de Dieu. Dans les cris de nos cœurs. Et que ton amour règne dans nous. Au nom de Jésus-Christ, le miraculeux, le tout présent. Nous prions ainsi et pour ta gloire éternellement. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse. Que son amour remplisse ton cœur. Que la joie de son salut anime ton cœur. Qui te délivre de tout lien. Amen. De toute peur. De toute inquiétude. Qu'il puisse écraser tes angoisses. Tout ce qui trouble ton mari. Que Dieu écrase cela. Il se redonne la joie. Le veulent de les servir. C'est avec lui. Il te donne la joie. Et sois là tout près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Être plus près de toi. C'est le mot ciel. Aime-moi, être plus près. Oh, et dans le genre. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Mon âme te salue, béni. Alléluia. Dis ceci. Amen. Garde-garde. Fais-moi faire de toi être plus près. C'est toi dans le genre. Oh. ma foi, Saint. Soutiens ma foi, Seigneur. Que Satan, il soutienne ta foi. Non, c'est ne gêne pas. De lui. Que lui soit le guide à tout instant. Que Saint-Nom te garde tes lèvres. Dans la joie du salut. Nous allons lire maintenant une portion de la parole. Telle que Dieu voudra. Genèse chapitre 2. Nous prenons le verset 7. Genèse 2, verset 7. Oh, comme il est bon. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Jean, chapitre 600. Le verset 33. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Molimo ezali oyo akopesaka bomoi. Mosuni ezali na lisungi te. Maloba masili ngai koloba na bino mazali na molimo mpe mazali na bomoi. Jean chapitre 3 verset 5. Yohane mokapa misato molongo mitano. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Quand Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et priez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au moment d'exhortation. Est-ce que votre esprit et votre âme soient apprêtés pour recevoir la substance divine? Que vous en soyez inoculés. Que vous en soyez vaccinés. Ceci donne une vraie sécurité. Vous allez porter ça pour battre la maladie. L'immunité contre la maladie du péché. Pour battre la maladie du péché. La sécurité contre l'incrédulité. Pour battre la maladie du péché. Ça donne l'assurance de vie éternelle. Vous allez porter ça une meilleure assurance de vie. Voilà où il y a malam pour la bombe et pour battre la maladie. Tu ne mourras pas. Voilà où tu vas que. Mais tu vivras. Voilà où tu vas. Et tu dois témoigner les merveilles de Dieu. Ouais, Dieu est bon. Très merveilleusement, j'aime ça. J'aime sa personne. J'aime son esprit. Il a dit dans Jean chapitre 11. Une vérité que nul ne doit ignorer ni mépriser ni me connaître. Ici dans Jean chapitre 11, 5-26, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu as Jésus, tu as donc la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Si tu as Jésus, as-tu Jésus? As-tu Jésus dans ta vie? As-tu Jésus dans ton cœur? Il est là, alors tu as la résurrection en permanence. Et la vie en permanence. Et continuer. De lui, il est la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi, vivra. Voilà. Il vivra. Exactement ça. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Or toi tu crois en lui, donc tu vivras. Or, moi je crois en lui, donc je vivrai. L'église croit en lui, donc elle vivra. Oh. Tu ne te sens pas concerné par ça. Il faut chasser la timidité. Enlever les végétations. Et celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, dans un certain sens, même s'il meurt, voyez ça, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Question, crois-tu cela? La question directe s'adresse à ton cœur. Crois-tu cela? C'est vrai. Ouais. Il faut croire que Dieu est ici. Et que sa puissance est ici pour manifester sa parole. Et sa gloire est dans l'église par la parole de vérité. Est-ce qu'il y a une âme qui aime dire ça? Croire que Dieu est merveilleux. Il est ici pour vivifier la parole. Alors nos chairs et si nos corps de chair ne servent à rien. Amen. Regardez. Notre exhortation, on va l'intituler comment? Notre exhortation. Il est oh, il faut l'inspiration, hein? Ça ne vient pas intellectuellement comme ça. Vous savez ça? Oui, bien c'est pas charnel. Pour que l'esprit envoie quelque chose. Parce que vous ne m'appartenez pas. Vous appartenez à Dieu. Hier, j'ai commencé une prédication sans connaître la pensée clé. J'ai prié, j'ai cherché. Ça ne venait pas. Et pendant la prédication. Alors l'inspiration est venue. Voilà de quoi il s'agit. Hein? L'église locale du Seigneur, sainte par vocation. L'église locale du Seigneur, sainte. L'assemblée locale du Seigneur. Sainte par vocation. Sainte par vocation. Ça, ce n'est pas une idée d'homme. C'est la matière inspirée. Il faut que la substance divine vous pénètre. Vous savez, la conduite du Saint-Esprit du frère Branham est parfois étrange. Que Dieu soit loué. Alors ce soir nous disons, l'église née du souffle de Dieu. L'église née, elle née du souffle de Dieu. L'église qui est l'église de Dieu. Nous sommes contre les loges, c'est vrai. Nous sommes contre les religions organisées, c'est vrai. Nous sommes contre les loges. Tous ces gens qui font des membres, qui font adhérer des membres. C'est faux. Vous ne pouvez pas adhérer à l'église de Dieu. Vous ne le pouvez pas. La Bible dit que c'est impossible. Nous ne pouvez pas adhérer à l'église de Dieu. L'église elle-même, elle naît. Du souffle de l'Esprit de Dieu. Regardez dans Genèse 2, verset 7 que nous avons lu. Le Dieu de la Genèse qui avait tout créé là. Nous parlons en les prenant à témoin. Là dans Genèse 2, verset 7. Dieu dit que amené trois actions. Il y a là-bas trois verbes. D'action. Des actes divins. Pour montrer que l'homme, pour qu'il soit dans sa dimension physique ici, il existe sous le soleil sur la terre, il a fallu une triple action de Dieu. Dieu à l'œuvre. L'homme n'est pas le produit d'une évolution. Il n'est pas un accident de l'histoire. Il n'est pas une condensation de la poussière et des vapeurs. L'homme est une créature de Dieu. Et dans Genèse 2 au verset 7, l'Éternel Dieu forma. C'est le verbe former. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Il a formé son corps. Il a façonné un corps humain. Le corps de l'homme, corps humain. C'était la première action de Dieu ici. La deuxième action. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Deuxième action, Dieu a soufflé. C'est-à-dire, il a pris l'esprit, il a introduit dans le corps. Il a pris l'esprit, il a inoculé dans le corps. L'esprit qui était divinement créé par la matière divine. Sur l'instance divine, après l'esprit. La résistance invisible, non palpable, créé et qu'il voyait et que lui pouvait manipuler le phénomène surnaturel par son droit surnaturel qu'il pouvait manipuler, orienter. Le Saint-Esprit, il a soufflé. C'est la deuxième action. Voilà mon salami balé. Un acte divin. Voilà, mon salaire vous en est. Soufflé dans ses narines. Après ma guinée, un esprit de vie. Mon lit, mon avant. Un bis appelé esprit de vie. Voilà, les alités, nous sommes avec mon lit, mon avant. Moi, j'ai dit matériel de la carcasse. Voilà, les alités, vous voulez. Oui, il est dans le pays. Vous pouvez retrouver sur les quatre, sur les jambes. On enlève les pneus, on les met sur les jambes. Apporte le nom d'esprit de vie. J'ai envoyé une lage sur mon avenue où je suis. Toujours en panne. Au lieu même d'aller effacer esprit de vie, mais il garde toujours la mention esprit de vie. C'est toujours écrit esprit de Dieu. Et puis, j'enlève trois. Nous parcourons la journée aujourd'hui. Voilà, vous tambour n'engagez dans le là. On parle d'autres avec sans plaie. Et bien, parce que monsieur Zangi est toujours écrit esprit de Dieu. Le nom là, le titre est toujours là. Mais ça ne vit pas. Ça ne peut transporter personne. C'est foutu, déclaté. Mais regardez l'esprit de la dénomination. Il faut toujours regarder le nom là-bas. Mais il n'en est pas ici de chrétien et de nouveau. Quand vous restez de lui, il vous répond. Si l'esprit de vie est entré en vous, et que vous avez la vie éternelle, vous vivrez éternellement. Ça, ce sont les choses véritables. Et le nom esprit de vie en tant qu'esprit de Dieu est vraiment bien placé. L'esprit de Dieu est immortel. Il est immuable. L'esprit de Dieu ne meurt pas. Nous disons amen. Mais ici Dieu a pris un esprit de vie. Il a soufflé dans les narines de l'homme. Et conjonction finale. Mais qui l'a fait devenir? Étache de lui-même. Est-ce quand il a reçu le souffle, alors il a pris une série de décisions pour dire, voilà, comme maintenant le souffle. Voilà ce que je veux faire. Vous verrez ce que je veux dire. L'homme n'a pipé mot, il n'a rien dit. Mais c'est Dieu le témoin de l'œuvre. Il est en train de façonner l'humain. Il forme d'abord son corps. Deuxième action, il insouffle l'esprit de vie. Troisième chose, cet homme-là sur qui il a posé les mains. Il est devenu autre chose que ce qu'il était. Il est devenu une âme vivante. Lisons Jacques chapitre 2. Le verset 26. Jacques chapitre 2. Que dit la parole de vérité? Verset 26. Comment le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comparaison. Comme le corps sans esprit, c'est la bonne traduction ici. Il y a la version de Louis II, celle de 1910 qui est trop répandue là. Elle dit dans ce texte ici, comme le corps sans âme est mort. Le corps sans âme est mort. C'est pas le corps sans âme. Non, il y a la traduction de Servalde qui répète la même erreur. Il est même que le corps sans âme. Non. Mais ici, dans la traduction de Scofield que j'ai lu, il dit, comme le corps sans esprit est mort. L'âme n'est pas la même chose que l'esprit. C'est deux choses différentes. Voyez ça? Mais il a dit, comme le corps sans âme. Non, sans âme. La bonne traduction, c'est comme le corps sans esprit. Donc, tel que c'est traduit ici dans le Scofield, c'est traduit de la même manière dans la version anglaise du roi Jacques, et même dans la traduction de Darby, Darby, et la traduction de Saint-Martin, Saint-Martin, voyez, donc là aussi c'est toujours le corps sans esprit, comme le corps sans esprit est mort, et même la foi sans les œuvres est mort. Nous ne sommes pas trop en train d'insister sur la foi, mais cette pensée initiale ici, la première partie du verset 26, l'homme au commencement quand Dieu l'a façonné. Dieu l'avait d'abord créé esprit. Mais personne ne pouvait le voir des humains. Et d'ailleurs, il n'y avait aucun homme pour le voir. C'est Dieu seul qui l'a créé comme ça. Il a créé son image, il a créé un homme esprit. Mais il n'y avait personne pour le voir. Et même s'il y avait quelqu'un, personne ne pouvait le voir. Il savait ce qu'il avait fait. Mais lui, c'est juste naturel qui voyait cet homme-là. Mais dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma, pas créa, mais forma l'homme. À partir de la poussière de la terre, il a fabriqué un corps. Il a façonné un corps. Dans le domaine matériel et visible. Deuxième action, il a insufflé dedans. C'est l'homme esprit qu'il avait créé. Après la révélation. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas que Dieu est venu. Non. Il a pris l'homme esprit qu'il avait créé. Et il l'a pénétré là. Et il est dans le corps. Deuxième action. Après avoir fait ça, l'homme qui au départ était un corps mort, quand il avait façonné, l'homme ne vivait pas. Il a formé l'homme à partir de la terre. Ce corps-là, ce corps-là appelé homme, ne vivait pas. C'était un cadavre, un corps étranger. Il a façonné, et il y a une forme humaine, mais ne bougeait pas, ne parlait pas, n'avait pas des yeux qui clignotaient. Rien du tout. C'est un corps cadavérique. Comparable à un mort. Parce qu'il n'avait pas dedans l'esprit. Qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'il vit? Il a pris l'esprit de vie. L'esprit de l'homme. Il a fait pénétrer dans le corps. Il a insufflé ça dedans. Et qu'est-ce que l'homme est devenu? Sous la main de Dieu. L'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, à partir de cet instant-là, l'esprit de l'homme qui existait pour Dieu seul a revêtu un corps physique. Et quand l'esprit a revêtu ce corps physique, il s'est formé au-dedans de cet homme, à l'intérieur de cet esprit, au centre de cet esprit, et puis a insufflé dans le corps, il s'est formé une nature d'homme. Une nature terrestre. L'homme qui était esprit a reçu par là une nature terrestre propre à la nature humaine. La nature d'homme. homme, un homme de la terre, auparavant, l'esprit là était surnaturel. L'esprit créé par Dieu n'était pas naturel. Il était surnaturel comme Dieu lui-même. Mais quand Dieu l'a confiné dans un corps, il a insufflé dans le corps, il peut former la nature de cet esprit. La nature terrestre et la nature de l'esprit, c'est ce qui s'appelle l'âme. L'âme, dit le message, c'est la nature de l'esprit. Mais comment cette nature est-elle formée? Quand Dieu a insufflé l'esprit dans l'âme, dans les blocs de terre, dans les formes humaines des yeux humains, dans les formes humaines des bois humains, L'esprit est entré dedans. Ça commence à bouger. À l'intérieur, l'âme se former. Et l'homme est devenu une âme vivante. Allez-vous dire que le corps sans âme est mort? Mais qu'est-ce qui a donné vie au corps? Est-ce l'âme qui a donné vie au corps? Ou l'esprit qui a donné vie au corps? Soyons fidèles à la parole. Évitons l'esprit d'infidélité. Lire la Bible comme elle est écrite, la foi comme elle est écrite. Et garder la parole comme Dieu l'a dit. Qu'est-ce qui a donné vie au corps? Ce n'était pas l'âme. L'âme était une conséquence de la vivification du corps par l'esprit. Le corps a été vivifié par l'esprit. Et l'esprit qui est entré, c'est l'esprit de vie. Un esprit vivant. C'est Dieu a béni sa créé. Il était surnaturel. Pas Dieu lui-même. À l'image de Dieu. À l'assemblage de Dieu. Il a pris ça, il a insufflé dans moi. Et le corps qui était immobile, le corps a reçu des mouvements. Et le corps qui était immobile, il a commencé à bouger. En même temps, il s'est mis à respirer. Inspiration, expiration. Le cycle respiratoire. Il a fallu de l'air, il rejette de l'air. Il a fallu de l'air, il rejette de l'air. Cycle respiratoire. C'est quand l'esprit de vie est entré dedans. Et le cœur qui était formé à l'intérieur, comme une motte de terre, il a bougé. Commencer à battre. Battement cardiaque. Que les médecins d'aujourd'hui entendent au stéthoscope. Ce sont les battements cardiaques. Voilà, et les médecins se mettent à compter le nombre de battements par minute pour savoir si vous êtes en bon état. Oui, parce que vous êtes malade, vous allez m'en beaucoup. Vous êtes codifié. Voilà, et les médecins scientifiques ont dit que ne pouvait pas battre. Si l'esprit n'était pas ancré dedans. Si Dieu retire l'esprit qu'il y a dedans, qu'est-ce que le corps devient? Il meurt. Plus rien ne bouge. Il suffit que Dieu retire seulement l'esprit qu'il y a au-dedans de vous. C'est fini pour vous. Dès qu'il retire l'esprit, c'est la mort qui s'installe. Qui est celui qui dit amène à la vérité? Ici dans les psaumes 104, il est dit, au verset 29, tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Est-ce que vous croyez cette vérité? C'est Dieu le maître d'action jusqu'à présent. Ne deviens jamais un électron libre. Ne deviens jamais autodidacte. Indépendant, candidat indépendant. Nous dépendons absolument de Dieu. Jusqu'à présent, tout humain dépend de Dieu. Quand Dieu cache sa face à l'humain, et voilà tout tremblant. C'est pas ce qui va se produire. Mais quand il retire le souffle, l'esprit, quand il arrive, il expire et retourne dans l'air poussière. Le corps retourne alors à la poussière. Et c'est que le maître du souffle retire ce souffle. Dans Ecclésiaste chapitre 12. Il est écrit ceci, verset 3. Conseil gratuit. Verset 3 et le verset 9, les deux versets. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que tout cette catastrophe ne se produise, souviens-toi déjà de Dieu ton Créateur. Tu n'es pas sur terre par accident. Il y a un Créateur qui t'a placé ici. Ecclésiaste 12, verset 3. Je pense qu'il y a un problème d'alignement des versets. Oui. Verset 3, traduit directement, c'est mieux. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras finalement, je n'y prends point de plaisir. Donc dans ta vie sur terre, dans ce corps ici, il viendra un temps où tu dégoûteras complètement la vie, et que des fois même en voulant essayer de vivre, mieux vaut la mort que la vie. Mais avant que ce temps-là n'arrive, n'attends pas ce jour sombre. Vous pensez à Dieu, vous revenir à Dieu, vous convertir au Seigneur. Fais déjà maintenant. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire maintenant. Aujourd'hui tu entends sa voix. Fléchis ton cœur à sa volonté. Avant que les jours mauvais n'arrivent. Voir ou pas ces jours viendront. Là viendront. Il y a un jour J que Dieu a marqué pour ton passé. Et avant cela, souviens-toi déjà de Dieu. Ne permets pas ton esprit d'oublier ton Créateur. Ne permets pas ton corps de poser des actions. J'ai oublié que j'ai un Créateur. Mais je livre les membres de mon corps au plaisir. Oh, c'est ton Créateur. Dans ce que tu n'as pas prendre pas. Dans ce que tu veux dire. Avant de parler. Souviens-toi de ton Créateur. Verset 9. Avant que la poussière retourne à la poussière. Comme Élie y était. Avant que ce moment n'arrive, parce que ce moment arrivera. C'est un moment là arrivera. Tu es poussière, tu es tout. C'est Dieu qui a dit ça et tout. C'est lui qui nous prêche encore ce soir. Avant que la poussière retourne à la poussière. Comme Élie était. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Avant d'atteindre cette heure fatidique. Où tu n'auras plus de pouvoir sur ton sang. Il est bien accéléré. tu vois le Christ. Avant tout ça, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Seigneur tous les instants. Seigneur à l'esprit tout le temps. Comme David a conseillé, j'aimerais que chacun fasse cela. Voyons constamment le Seigneur. Psaume 16, verset 8. Je constamment l'Éternel sous mes yeux. Constamment. Je ne pas le perdre de vue. Qui n'échappe pas vos regards. Gardez vos regards fixés sur lui. Ayez toutes vos pensées en lui. Je constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle. Tu l'as constamment sous tes yeux. Et il est ton bras droit. N'est-ce pas que l'Éternel, on avait dit ça ici. Ok, l'Éternel est ton ombre. Vous vous rappelez encore? Comme ceci, il n'est pas dans, dans ce rayon ici où tu es assis. Il est présent. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Lui sous me côtoie et cicaté. Présence naïe et boulisaka. Amen. C'est lui qui nous a adressé une sainte vocation. Sakambela oyo adressé biso. Kobianga oyo abengela biso. Eza yako boulisa biso. Il ne nous a pas appelé à l'impureté, mais il nous a appelé à la sanctification. Il nous a adressé une sainte vocation. Comprends ça. L'appel qui t'adresse, c'est un appel sanctifiant. Tant que c'est lui qui t'a appelé, il te veut saint. De Timothée chapitre 1, verset 8 et 9. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni tes mois sont prisonniers, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu, qui a fait quoi? Qui nous a sauvés. Ton Dieu est-il incapable de te sauver? Le Dieu dont tu entends parler dans cette église. Le Dieu amen. La puissance du salut. Voilà l'Évangile lui-même. C'est la puissance de Dieu pour le salut de Était déjà créé. Dieu lui avait donné une grâce. Maintenant que cet esprit vit dans ce corps, mais qu'il était mentionné dans le dessin, le plan de Dieu, cet esprit-là doit jouir de cette grâce en pleine mesure, en totalité. Toute cette portion de grâce là, la grâce prédestinée, je vais la manifester dans ton corps. dans sa vie sous le soleil, dans sa vie terrestre, avant que le temps de sa mort physique n'arrive, où tu vas expirer, où l'esprit va retourner à Dieu qui t'a donné, et avant cela même, avant que la grâce qui t'avait été prédestinée, tu en jouisses pleinement, parce que votre feu, la grâce de Dieu soit mille. Que cette grâce de Dieu te soit multipliée. Tu es donc un favorisé. Tu n'es pas un défavorisé. Tu es un favorisé. Et l'appel même dont Dieu t'a appelé, la certification céleste qui t'adresse, c'est un appel sanctifiant. L'impact de l'appel de Dieu nous sépare des impuretés juives, des iniquités, des esclaves. L'appel céleste est une puissante attraction qui place en nous une influence divine. L'influence de Dieu va traîner sur nos corps et ça va orienter les choses à faire les choses de manière à plaire à Dieu. Vous vous sentez plus libre de faire ce que vous voulez. Il y a une maison naturelle qui vous conduit. Vous êtes intérieurement, intimement et constamment. C'est l'appel de Dieu. L'église locale du Seigneur, elle est par vocation, mais elle doit naître du souffle de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est ça qui engendre l'église. Dans Jean chapitre 3, on la lit. Comment l'homme doit être l'homme qui doit entrer dans le royaume de Dieu? Jean 3:5. Jésus répondit, en vérité, je vous prédis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut naître d'eau et de l'esprit. Naître d'eau. Et de l'esprit. Qui produit ça? Dieu, le créateur de chacun de nous. Il est le créateur de ton esprit. Et par conséquent, il est le créateur de chacun de nous. Il est le créateur de tout humain qui a en lui un esprit. Un esprit qui fait que son corps vive. Dieu est le créateur de cet esprit. De tout esprit d'homme, que cet esprit soit bon ou mauvais, à travers les caractères de comportement, mais au moins Dieu en est le créateur. Dieu en est le créateur. C'est pour ça qu'il est appelé le Père des esprits. Et il est le Dieu des esprits de toutes chairs. Dieu des esprits de toutes chairs. De tout corps humain. Il en est Dieu. Je sais ça et je crois ça. Il en est le Dieu. C'est lui qui doit produire la nouvelle naissance. Pour tout homme individuellement. Il veut entrer dans le royaume de Dieu. Mais pourtant ces hommes que Dieu engendre individuellement, il avait le plan de les rassembler en un seul corps. Et c'est le corps de Christ. De même qu'il avait formé le corps d'Adam. En imitant l'esprit. De même il forme le corps de Christ. En imitant l'esprit. En mettant l'esprit dans les individus croyants de l'évangile. Il met dans celui-ci, il met dans celui-là. Et il fait de tous un seul corps. C'est Dieu à la manœuvre. Il est le chef d'œuvre. Jean chapitre 11. Oh, il est écrit ceci. Verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Et il y a un anifaki banan en zambé, bajala, moko. Pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. De un seul corps. Comment ce corps est-il formé? 1 Corinthiens 12, verset 13. Vous savez bien? Mais répétons la vérité. Nous avons tous en effet été baptisé dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Le verbe former revenir. Pour former un seul corps. Qui baptise du Saint-Esprit? Dieu seul. Qui forme ce corps? Dieu seul. Qui réunit les gens dans un seul corps? Le Seigneur Dieu seul. Soit juif, soit grec. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi, le corps et l'église n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Plusieurs personnes, les enfants de Dieu, réunis en un seul corps. Et toutes ces personnes-là sont les membres de ce corps. Après avoir reçu l'Esprit, après avoir reçu le Saint, ils forment alors un seul corps. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. Et la chair ne sert à rien. À c'est l'Esprit qui vivifie. Qui avait vivifié le premier Adam? C'est l'esprit de vie. Qui va vivifier le corps église de Dieu? C'est l'esprit saint. Le souffle de Dieu. Il avait soufflé les jours de la Pentecôte. Il doit souffler sur nous encore une fois. Êtes-vous prêts? Je vais lire frère Branham ici. Oh mes chers amis, c'est important. Disons une pensée dans les sermons, les noms blasphématoires encore là-bas, les noms blasphématoires. Hier vous vous souvenez que j'avais annoncé deux paragraphes pour être lu, paragraphe 170 et 171. En lisant, à la fin du sermon, je me suis rendu compte que nous n'avions lu que le paragraphe 170 et nous avons passé au sermon. Arrive-t-il à Dieu de changer de pensée au sujet de sa parole? Mais vers la fin là, la fin du paragraphe 170, je me suis rappelé avant de lire le paragraphe 171. Voyez, les églises sont en fait des loges où les gens qui ont la même idée naviguent ensemble. On a commencé ça hier. Ils sont pas nés de l'esprit de Dieu. Des loges où les gens qui ont la même idée. La même opinion. Et puis ils naviguent ensemble. Comme dans de l'eau, ils naviguent. Mais l'église est une. L'église de Dieu, elle est une. Et vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Dites amen. Vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Vous êtes né en elle. Et quand vous êtes né en elle, vous êtes un de ses membres. Vous allez moko na bina manaye. C'est quand vous êtes né en elle que vous en devenez un de ses membres. De l'église de Dieu. Mais Toi, pense pas à ta condition, frère, sœur. Et là, il n'est pas formé dans l'esprit. Donc, tu n'es pas encore membre de l'église. L'église dont Jésus est le sauveur, là. Toi, tu n'en es pas encore membre. Quelle condition pitoyable! Toutes ces années, vraiment. Tu n'en es pas encore membre. Et quand lui viendra enlever l'église de Dieu, c'est clair que tu ne partiras pas parce qu'il enlèvera les membres de son église. Et toi qui n'en es pas encore membre, où sera? Dans la perdition. Dans les grincements des dents. Dans les pleurs amers. Mais quand vous êtes né à elle, vous en êtes un de ses membres. Alors, parle-là, c'est juste comme pour ma famille. Je suis dans la famille Branham depuis 53 ans. Ils ne m'ont jamais demandé de me joindre à la famille. N'est-ce pas vrai? Pourquoi? Je n'ai pas à me joindre à la famille. Je suis né Branham. Et vous êtes né dans l'église. N'est-ce pas? Vous êtes né dans l'église. Maintenant, les autres là sont de loge. Avez-vous déjà pensé à cela? Vous avez pensé à ça, réfléchi, médité. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Les autres là sont de loge. Au paragraphe 185, il dit ceci. La bête, virgule, les églises, appelées églises. Les églises, elles ne sont pas des églises. Laissez-moi m'assurer que c'est enregistré. Elles ne sont pas des églises. Elles sont des loges. Les gens y adhèrent. À l'église, c'est-à-dire, on n'adhère pas. C'est Dieu seul qui baptise le Saint-Esprit. C'est Dieu seul qui ajoute à l'église. Lui seul dit la Bible. Jean-Baptiste a dit celui qui baptise le Saint-Esprit. Lui seul. Un pasteur, un apôtre, un membre loyal de l'église. Lui seul tient la clé. Maintenant, quand quelqu'un prétend voir le Saint-Esprit, vous ne voyez pas qu'il ne s'est pas adhéré lui-même à l'église? Le Saint-Esprit, c'est qu'il ne lui a pas encore donné. Mais lui-même, il dit, j'en ai. Par son audace, il adhère à l'église. On ne peut pas adhérer à l'église. Ce qui te trompe et te rendre misérable. Mes chers amis, attendons-nous au Seigneur. S'attendent à Dieu, renouvelle leur foi. Il a dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et reconnaissez que vous ne l'avez pas. Vous pouvez réclamer que Dieu vous le donne. Et Dieu, si vous avez cette grâce, avant les temps éternels, il vous manifestera cette grâce en pleine mesure avant que la poussière ne retourne à la poussière. Tu dois croire ça comme ça. On concoupe pas la yoté. Okoyem bangonde. Amen. Oh, ici au Kanama. Ici au Kanama peponayo. Ici au Kanama. Et son plan ne peut pas échouer. Le destin éternel de Dieu. Infaillible. Deuxième assuré que c'est pas du vrai. Ce sont de loges. Les gens y adhèrent. Mais vous ne pouvez pas adhérer à l'église du Dieu vivant. Vous ne pouvez pas. Vous êtes né en elle par le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ces vertus sont scellées en vous. Et cette vertu citée, la foi, la force divine ou la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel. Cette vertu-là, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, authentique, hein, pas juste une onction de passage, une onction pour prophétiser, une onction pour aller prêcher un peu, une onction pour donner un témoignage influent, mais le véritable baptême du Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 12, 15, selon Ephésiens 1, verset 13. Vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, les vertus là sont scellées en vous. Et ainsi, celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché. Voyez pourquoi nous n'admettons pas que quelqu'un qui soit né de Dieu puisse pécher volontairement. Il ne peut pas. Vous y êtes. Voilà, nous pourrions en parler toute la journée, n'est-ce pas? Le paragraphe 186. L'église est le corps mystique de Christ. Mais du souffle de Dieu. Et bon, ça nous tient à peine ma ouïe ensemble. Mais du souffle de Dieu. Et bon, ça nous tient à peine ma ouïe ensemble. Et c'est le corps mystique de Christ. Et dans les autres mondes, on a caché à Christ. Qui est né du souffle de Dieu. Mais si le bon, ça nous tient à peine ma ouïe ensemble. L'avez-vous saisi? Mais si le bon, ça nous tient à peine ma ouïe. Et c'est l'esprit qui vivifie l'église. Vous voyez, nous avons notre tête à la Église d'abord. Par Zacharie du Wadi, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur de l'Esprit. L'avez-vous saisi? L'église de Dieu est née du souffle de Dieu. Dieu doit insuffler dans les individus. Tu comprends ce que c'est? Donc il avait insufflé dans le corps mort d'Adam. Un esprit de vie. Le même Dieu à la manœuvre maintenant. Pour former le corps de Christ. Il doit insuffler. Dans les croyants. Dans le frère, la sœur. Les cibles sont Saint-Esprit. Et vous recevez le mouvement. Et votre cœur commence à battre pour la vie éternelle. Et l'amour de Dieu est devenu une flamme inextensible. Une flamme inextensible. Que rien, que nul ne peut éteindre. L'avez-vous saisi? L'église de Dieu est née du souffle de Dieu. Dieu a soufflé un souffle dans les narines d'Adam. Spirituellement. Spirituellement. Esprit Adam a créé quoi, non? Mais à côté ici, mais dans le langage, Dieu a soufflé dans ses narines. Spirituellement qu'il a soufflé. Ce n'est pas comme vous faites de vous. Non. Ce n'est pas comme souffler sur une bougie. Comme vous aimez souffler sur une bougie. Votre 30e anniversaire, les jours de malheur. Voyez, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon ami. Anniversaire, on l'inga pas anniversaire à mon kiliawai. le 13e anniversaire avec 13 bougies. Oui, je m'en suis chiffre de malheur. Jour de ta naissance, jour de malheur. C'est le jour où tu es né mortel. Tu es né pécheur. Tu ne mérites aucune gloire. C'est le jour de la honte. Tu dois naître de nouveau. Et si quelqu'un n'est pas de nouveau, il ne peut pas être dans le monde. Il ne sera jamais membre de l'église. Alors, naissez de nouveau. Et commençons maintenant à considérer ça l'âge d'or. Le jour de gloire, c'est pas quand j'étais né dans ma famille. Et quand tu m'as sauvé. Les mêmes qui chantent comme ça, ce sont les mêmes qui fêtent les anniversaires année après année. Ils sont tous joyeux là-bas, ils offrent le sourire, il y a les rires aux éclats. Ils invitent les amis pour taper les mains pour que tu t'appelles. Deuxième anniversaire, jour de malheur. L'anniversaire 13, il faut y abandonner. Vous devez y renoncer plus tôt. L'anniversaire 13. Le chiffre 13, le chiffre de malheur. Le nombre de la femme. Hein, c'est l'anniversaire du jour où tu es né de la femme, non? Quel est le nombre de la femme? Vous le croyez maintenant? Alors je vous dis, arrêtez, renoncez aux anniversaires 13. Le 13e anniversaire. Tu dois naître maintenant de l'Esprit de Dieu. Jour de gloire. Dieu a soufflé un souffle dans les narines d'Adam. Spirituellement. Et il est devenu une âme vivante. Quand l'esprit a trouvé place dans le corps, alors l'homme fait de corps et d'esprit, cet homme-là est devenu une âme vivante. Par l'œuvre de Dieu. Par l'action divine. Spirituellement. Saviez-vous que les pentecôtistes ou que la véritable église pentecôtiste est née du souffle de Dieu? Elle doit naître ainsi. Au plan local ou au plan universel. C'est l'église du Seigneur. Elle doit naître du souffle de Dieu. L'action de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous entendez? Ça doit être l'Esprit et non pas la chair qui fait le programme. Ça doit être le programme de Dieu lui-même qui passe en action pour former un corps local quelque part. L'assemblée locale, c'est le corps local. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 26, on nous dit que faire donc, frère, verset 23. Oh, je suis allé là. Verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière tous parlent en langue et qu'il entre des simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Bongo, soko lingomba mobimba. Bakoyanga na feyanso, bakolobaka na maloba na ndenge na ndenge. Soko batona mboka, bazangi kondima. Bazangi kondima, bako ingela. Bako kanisateke, bobeli, liboma. Voyez le verset là. Il est dit dans l'assemblée de l'église entière. On a kati na tonga et kisa na mobimba. Mais la traduction de Saint-Martin, suivez bien, si donc toute l'église s'assemble en un corps, si donc toute l'église s'assemble en un corps, c'est l'église qui est née de l'Esprit de Dieu, qui est née de la vérité de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité, la vérité de l'église pentecôtiste, l'église de la pentecôte originale. si elles s'assemblent en un corps et que tous parlent des langues étrangères et qu'il entre des gens du commun ou des infidèles, ne diront-ils pas que vous êtes hors licence? Donc, le rassemblement de l'église au plan local, c'est également le corps de Christ qui s'assemble. Elle s'assemble en un corps. Ce n'est pas que quand on s'assemble comme ça, alors même ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit deviennent membres du corps. Non. Le corps de Christ, qui est son église, n'est formé que de ses membres réellement baptisés. Les autres sont des accompagnants. Spectateur de passage peut-être. Et il fait ventrer là comme des infidèles. Comme la Bible dit. Donc l'église s'assemble, elle peut s'assembler. Mais il entre des gens du commun. Des gens du commun. Vous voyez ici que l'église a un gros en soto. Mais bango basa ba gens du commun. Bango basa vous voulez battre mes sano bato libanda. On l'a dit, hein. Yo, tango ya église, ta Fernand chrétien. Votre frère ici est membre du corps de Christ. Êtes-vous là? Vous allez là? Nous assemblons avec ceux qui ont le Saint-Esprit. Yo tango ya kawa. Oyaka en qualité de qui? Oyaka yengenini. Membre de l'église. Et nama ya église. Le corps de Christ. Nous on a Christ. Hein? Ou bien? Un homme du commun. C'est ce qu'on appelle les citoyens lambda. C'est-à-dire l'homme ordinaire. Les citoyens lambda. Lambda comme cette lettre-là de l'alphabet grec. Hein? Il n'est pas du nombre de 10, il est le 11e. Citoyen numéro 11. C'est la ligne 11, il vit sa vie modeste et tout. Donc, on ne fait pas ça. Les citoyens lambda. Il est en 11e position. Il célèbre l'anniversaire 13. Il est en 11e position. L'anniversaire étiqueté chiffre 13. L'homme et de la femme sont agités. Sa vie est courte. Sa durée est fixée. Le nombre de jours d'années s'est compté. Alors les citoyens l'ambient comme ça. Il entre là où l'église s'assemble à même corps. Il sent maintenant que les membres de l'église parlent tous en langue. Les citoyens lambda, comme toi qui es assis là, cette citoyenne lambda, ne va-t-elle pas dire, oh, c'est du non-sens ici, je ne comprends rien. Mais les membres du corps sont édifiés. Ils savent que chaque mouvement dans le corps a un sens. Chaque son a une signification. Chaque symbole porte un message. Tant qu'il vient de Dieu. Mais les gens du commun, les citoyens lambda, les citoyennes lambda, les personnes ordinaires, qui ne sont pas membres du corps, ou même des infidèles, peut-être toi on ne va pas vraiment t'appeler infidèle parce que tu es quand même déjà baptisé. Si tu es infidèle de l'église, de l'assemblée locale, en tant que communauté, les gens qui viennent se mettre en commun, peut-être les principes des opinions que nous partageons ensemble, peut-être que tu n'es pas infidèle, mais il y a des gens qui n'ont pas encore Christ que nous croyons. Les possibilités sont données. Ils peuvent entrer dans nos réunions. Là où l'église s'assemble en un corps. Mais regarde. Voilà. Et les infidèles. Et les gens ordinaires. ceux qui sont membres ordinaires d'église, des assemblées, des communautés locales, des gens ordinaires sont là. Ils sont dans un bloc à part. Voyez-vous, ils sont comptés du même côté que les infidèles. Mais on ne les appelle pas infidèles, mais ils sont un bloc hors du corps. Ils forment aussi un bloc hors du corps, c'est-à-dire que les membres du corps forment un bloc dans le corps. Alors, comme on le disait dimanche, sortez de l'auge. Sortez de ce système fait des mains d'homme là. Et vous, c'est rassemblement physique et visible là. Vous devez naître de l'Esprit de Dieu. Mais c'est dans l'Église de Dieu. Elle ne peut pas y adhérer. Êtes-vous là? Vous là? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que cette leçon trouve place dans nos cœurs. Que je ne me retrouve pas un jour à voir prêcher en vain. Et que ça t'aille sérieusement aidé à avancer d'un pas dans les expériences spirituelles pour aboutir au véritable remplissement du Seigneur. Lève-nous pour la prière. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin sauveur. J'ai vu dans l'espérance et je marche sans peur, rempli de confiance en toi, divin sauveur. J'ai vu dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte le soyeux, rien n'aiguille le cœur, sinon l'aimer tous ceux et les sons du sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procura l'esclave l'heureuse liberté. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procura l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporta ce sauveur, ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs, d'un amour insondable, lui fait quitter le ciel, pour donner aux coupables un salut éternel. Un amour insondable lui fait quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Viens ôter les souillures, viens guérir les cœurs, sinon les meurtres sud. Et le sang du sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procura l'esclave l'heureuse liberté. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procura l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable, les péchés et le ciel, pour donner aux coupables un salut éternel. Son amour insondable, les péchés et le ciel, pour donner aux coupables un salut éternel. Prions chacun. Dieu merveilleux, notre Père céleste, nous venons te dire merci en cet instant, Jésus-Christ, pour l'opportunité, le privilège que tu nous as donné de passer ce bon moment dans la présence de Dieu. Mieux vaut ici qu'ailleurs. Nous sommes plus heureux dans ta présence. Comme dit ta Bible, dans ta maison, plutôt que dans les tentes du péché. Seigneur, console chacun de nous. Que ta présence accompagne chacun. Pour que le bonheur de ta maison puisse aussi se refléter là où nous vivons. Père, c'est toi qui engendres. Nous venons d'entendre cette pensée. Une exhortation insistante. Pour comprendre que c'est toi qui formes le corps, dans le naturel et dans le spirituel. Et si toi tu ne fais rien, alors nous n'aurons rien. Et si toi tu ne fais rien, nous ne deviendrons rien. Si Adam, le premier Adam, était venu dans le vivant, c'était ton action directe. Tu as travaillé. Et pour que nous soyons membres de ton royaume, membres de ton église, il faut que toi tu agisses. Une action directe pour former le corps, pour insuffler l'esprit, pour remplir du Saint-Esprit, pour baptiser du Saint-Esprit, pour apposer les soins de Dieu. C'est une action directe de Dieu qui mettra le baptisé en mouvement dans le royaume. Il le mettra en mouvement dans le corps de Christ. Même ce qui ne bougeait pas commencera à le bouger. Et nous aurons par là la vie éternelle, la sécurité éternelle. Mon Seigneur, exauce notre prière pour chaque frère et chaque sœur, ceux qui sont ici et ceux qui sont loin, par rapport à cette communauté ici, à ce lieu de rassemblement. Nous voulons tous appartenir au corps de Christ. Nous voulons naître dans l'église du Dieu vivant. Nous refusons la notion d'adhésion. L'autoproclamation du baptême du Saint-Esprit. Nous refusons la fausse expérience, Seigneur. Nous voulons celle qui vient de toi seul. Toi qui sales et qui engendre dans le royaume. Fais grâce à chacun. Et une grâce multipliée. Comme tu l'avais prévu dans ton dessein. Pour que le retour de chacun à domicile soit dans la paix. En sécurité et avec joie. Raccourcis le chemin pour chacun. Et déplace-nous avec joie et gaieté. Ils ont les transports d'allégresse. Nous sommes venus nous sacrifier pour toi. Et nous te prions de poser un geste favorable pour nous. Alors, tu nous as prédestinés à ta grâce. Dans le saint nom de Jésus-Christ, nous prions et nous t'adorons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse.